بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le jeudi 26 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 5 août 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Sheikh al-Allam al-Imam al-Mujaddid Abdul Aziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On s'est rendu à la dernière leçon de cette risala, alhamdulillah, que l'imam Abdul Aziz bin Baz a consacré à tout ce qui concerne la mort, la préparation du mort, notamment avec al-ghasl, al-takfin, al-dafn, al-salat, et ainsi de suite. Donc il a cité, rahimahullah, dans cette leçon, il a cité 12 points importants que le muslim doit connaître. Et comme la mort, c'est la fin de toute personne. La mort, c'est la fin de tout vivant, excepté le vivant éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque âme goûtera à la mort. Chaque âme goûtera à la mort. C'est pour ça qu'il est indispensable pour le musulman de connaître les règles qui sont liées à la mort. Et également, c'est un devoir pour les enseignants d'enseigner aux gens les règles qui sont liées à la mort. Préparer le mort, notamment avec le lavage, le kafan, le linceul, salat et l'enterrement, et d'autres règles qui concernent ce sujet extrêmement important. Et ces points qui ont été cités, qui sont liés à la mort, les savants les cite dans Furud al-Kifayat, dans les obligations collectives, c'est-à-dire ce sont des obligations. Il faut obligatoirement qu'il y ait une partie de la communauté qui maîtrise ces sujets et qui puisse les pratiquer. Et si jamais il y a un musulman qui décède et que personne ne s'occupe de lui, tous ceux qui ont su sa mort sont dans le péché et auront le péché d'avoir négligé ses obligations. Mais ce ne sont pas des furud ayn, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation pour tout musulman de maîtriser ces sujets-là. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est très recommandé, car la science, c'est la meilleure chose avec laquelle tu puisses te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala après les obligations. Et bien évidemment, quand on dit et quand vous entendez les hommes de science dire que la meilleure chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala après les obligations, ils visent la science qui n'est pas obligatoire, comme la science de ces points-là. Ce n'est pas une obligation pour toi d'apprendre les règles de zakat jusqu'au jour où tu es amnésab. Le seuil minimum à partir duquel tu deviens redevable de zakat. Mais sinon, ce n'est pas une obligation pour chaque musulman d'apprendre les règles de zakat, contrairement à la salat et contrairement au jeûne, notamment avec l'approche du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Chaque chose, chaque adoration qui est obligatoire pour toi, tu dois apprendre la science qui est liée à cette adoration, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Car l'adoration n'est acceptée que quand elle réunit les deux conditions d'acceptation. La sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les deux ne peuvent s'obtenir qu'avec la science. D'où l'importance de la science. Et même les choses où c'est pas obligatoire de les apprendre, sache que tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec mieux que d'augmenter ta science et de connaître ta religion. Pour celui qui a la sincérité, bien évidemment. Donc je disais que Cheikh Rahimallah a cité 12 points. Nous allons essayer de prendre ce que nous pouvons aujourd'hui. Et si jamais on ne termine pas les 12 points, on fera la suite demain, Inch'Allah Ta'ala. Et ainsi nous aurons terminé ce livre. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin et de prendre nos âmes dans Tawhid pur et dans la conformité à la sunna de notre noble prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc le premier point, il a dit awwalan talqinul muhtadar. Talqinul muhtadar. Et en arabe on dit al muhtadar. Il y a beaucoup de gens qui disent al muhtadar. Et ça c'est une erreur. Car al muhtadar c'est le citadin. Quelqu'un qui vit dans la ville. Et le muhtadar, c'est celui dont la mort est arrivée. C'est l'agonisant, le mourant, celui qui est dans la dernière phase de sa vie. Cheikh Rahimullah dit, premièrement, talqinul muhtadar, la ilaha illallah, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم في صحيحه والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. Donc première chose liée à la personne mourante, la personne agonisante, c'est de lui faire répéter la parole La ilaha illallah, l'attestation de l'unicité. Car le Nabi a dit Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites répéter la parole La ilaha illallah à vos morts. Et ce qui est voulu par les morts dans ce hadith, c'est pas après sa mort qu'on va lui faire répéter La ilaha illallah, bien évidemment. Ce qui est voulu, c'est les gens qui sont proches de la mort, sur lesquels sont apparus les signes de la mort. Et ça, en arabe, c'est un style très courant. On donne le nom d'une chose à celui qui s'est rapproché de cette chose et qui n'est pas encore arrivé à cette chose-là. Comme ici, on lui a donné le statut de la mort, alors qu'il est mourant et agonisant, il est proche de la mort. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. De faire répéter à la personne malade, si on voit sur elle l'approche de la mort, et on voit sur elle les signes qu'elle est dans sa dernière phase. C'est recommandé de lui faire répéter la parole La ilaha illallah, comme dans le hadith que Cheikh Rahimallah a cité, afin que la parole La ilaha illallah soit la dernière chose qu'il a prononcée de sa vie. Et celui dont la dernière parole de ce bas monde est La ilaha illallah entrera au paradis. Hadith authentique. Celui dont la dernière parole de ce bas monde est la parole La ilaha illallah entrera au paradis. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire répéter à la personne mourante cette parole, de lui dire avec douceur, bien évidemment. Il faut savoir que la personne mourante, elle subit des douleurs et des choses indescriptibles. Et l'intensité de ces douleurs arrive à un point où il ne peut pas crier. Vous savez que quand la personne, avant d'arriver à cette phase, si tu poignardes une personne, tu lui donnes un coup de couteau sur la main ou sur un endroit, elle crie. Et ce cri est un signe qu'elle a encore des forces pour arriver à crier à cause de la douleur. La personne mourante, elle arrive à un degré de douleur et elle subit tellement qu'elle perd la voix. Elle n'arrive plus à exprimer ses douleurs. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi a dit « Inna lil mawti la sakarat » La mort a des affres. Sahaba, Wallah alam, c'est Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit au messager d'Allah, « Même toi, tu souffres de la mort ?» Il a dit « Oui, comme deux hommes parmi vous. » Comme deux hommes. Non seulement il a les mêmes affres que les autres, mais alayhi salatu salam, il avait un degré plus fort. Et ça, c'est pour l'élever encore plus dans les degrés du paradis, alayhi salatu salam. Et pour le mort, d'une manière générale, c'est une purification des péchés et c'est une élévation dans les degrés au paradis. Afin qu'il sorte de ce bas monde sans avoir un seul péché. Donc, c'est pour ça, il est recommandé que celui qui fasse ce travail avec le mort et qui lui fasse répéter la parole « La ilaha illallah », il faut que ce soit quelqu'un qui a de la science et de la sagesse. La personne a tellement de douleur, tu peux insister ou parler avec une voix forte, hausser la voix, et ainsi tu le mets en colère, et il dit quelque chose avec laquelle il sort de l'islam. Ou il refuse, comme c'est déjà arrivé à des gens. Allah salam al-afir. Et de toute façon, il ne pourra dire « La ilaha illallah » à ce moment-là, que celui qui a vécu dans la parole « La ilaha illallah ». Que celui pour lequel la ilaha illallah était pratiqué dans son quotidien, dans sa vie. Celui qui a vécu dans le tawhid. C'est pas n'importe quelle personne qu'elle arrivera à dire la ilaha illallah. C'est Allah qui le permet. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ceux qui ont cru dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il les raffermit avec la parole ferme, la parole « La ilaha illallah ». Donc c'est Allah qui permet cela. C'est pour ça qu'il est recommandé de lui dire, de répéter « La ilaha illallah » avec douceur et de bien choisir le moment. Et s'il le dit une fois, c'est pas la peine de continuer à lui faire répéter. Une fois suffit. Sauf si, entre-temps, il a parlé avec d'autres paroles de dunya. Là, on attend encore un moment opportun pour lui faire répéter, afin que ce soit sa dernière parole de cette dunya. Ça, c'est le premier point qu'il a cité, rahimahullah. Le deuxième, il a dit « إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك » Donc quand on a la certitude que la personne est morte et que son âme a quitté son corps, il est recommandé de fermer ses yeux et de serrer ses mâchoires conformément à ce qui a été rapporté dans ce sunnah. Notez bien que Cheikh Rahimullah dit, quand on a la certitude, quand on est assuré de sa mort avec la sortie de l'âme, avec la sortie de l'âme du corps, et quand les signes de la mort sont vérifiés sur lui, et les médecins y connaissent, c'est les choses qui indiquent que la personne est morte. Et celui qui est en contact avec ce milieu, le lavage et les choses comme ça, il connaît aussi les signes quand la personne est morte et que l'âme a quitté le corps. Donc, on attend la sortie de l'âme et on ne pratique pas sur lui les choses liées à la mort quand sa mort est une mort clinique ou une mort cérébrale. La mort clinique, c'est quand l'activité musculaire et respiratoire et que la hernie est arrêtée, quand la personne perd toute activité musculaire et également à l'arrêt de respirer et elle perd totalement les réflexes. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort clinique. Et ça, c'est pas une mort réelle, car il peut être réanimé par la suite si Allah décide de prolonger sa vie encore. Également, on a ce qu'on appelle la mort cérébrale. C'est au niveau du cerveau. Le cerveau yani, devient totalement inactif. Ça, c'est ce qu'ils appellent la mort cérébrale. Et ça non plus, ce n'est pas une mort sur laquelle sont liés les jugements de la religion. Les jugements de la religion sont liés à la mort réelle, quand l'âme quitte le corps. Quand l'âme quitte le corps définitivement. Quand les médecins décident ainsi, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à lui appliquer les règles qui suivent la mort de la personne. Il y a des choses qui ont lieu avant la mort, des choses qui ont lieu pendant la mort et des choses qui ont lieu après la mort. Et parmi les choses qu'on fait après la mort, ou avant de passer à ce point, il y a un point que beaucoup de gens, au sujet duquel ils se posent des questions, ce qu'ils appellent l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un mot en grec qui signifie la bonne mort, la mort douce. Yani, par miséricorde à ce mort, on va mettre fin à sa vie. C'est ça la signification de l'euthanasie. Cette euthanasie a deux catégories. Ce qu'ils appellent l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie active, ils vont lui administrer des médicaments ou des choses pour provoquer sa mort. Ils estiment qu'il est tellement souffrant, qu'il est dans des douleurs et que de toute façon, on ne peut pas le soigner et il va mourir de toute façon. C'est juste que yani, plus il reste dans cette dunya, plus il va souffrir. Mais en fin de compte, il va mourir. Donc on va raccourcir sa vie et on va lui administrer des médicaments ou des choses pour mettre fin à sa vie. Ça, c'est l'euthanasie active. Il y a ce qu'ils appellent aussi l'euthanasie passive, où ils ne vont pas lui administrer choses et ils vont se contenter d'arrêter les soins. Par exemple, s'ils lui donnent de l'air pour la respiration, ils vont couper l'air. Et ainsi, ils vont provoquer la mort. Mais sans lui donner quelque chose. C'est juste qu'ils arrêtent les soins. Mais le résultat est le même. Et tout ça n'est pas permis en islam. Tout ça est haram en islam. La personne, si elle est souffrante, pour le kuffar, ça se comprend. Parce que pour le kuffar, la mort, c'est la fin de l'existence de la personne. Et il n'y a plus rien après la mort. Mais le croyant, il sait que cette souffrance et douleur de la personne mourante seront une expiation de ses péchés, une élévation dans ses degrés. Et de toute façon, c'est haram, ce n'est pas autorisé. Ça, c'est juste la sagesse. Ce n'est pas autorisé de provoquer la mort d'une personne. Tuer, c'est parmi les plus graves crimes dans l'islam. Et c'est le premier crime sur lequel les créatures seront jugées. Et on n'a pas le droit de tuer une personne sous prétexte qu'elle est souffrante pour l'alléger. On n'est pas plus miséricordieux envers elle que son créateur. Mais le kuffar, ça se comprend. Leur attitude, ça se comprend très bien. Le problème, c'est quand des musulmans ont recours à ces pratiques. Et ces phénomènes-là, personnellement, je ne les ai jamais entendus dans les pays de l'islam. C'est dans les sociétés occidentales où on entend ces choses-là. Taïb, donc la première chose, quand l'âme quitte le corps et qu'on est sûr que son âme a quitté le corps, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va fermer ses yeux. On va fermer ses yeux. Car quand l'âme quitte le corps, le regard suit l'âme. Le regard suit l'âme. C'est pour ça que le regard il va vers le haut. Et l'âme monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel. Si c'est l'âme d'un croyant, elle traverse les cieux. Et si c'est l'âme d'un mécréant, elle est rejetée du premier ciel. Et elle redescend dans le corps. Et si c'est l'âme d'un croyant, elle arrive jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala où il ordonne de la renvoyer vers le corps. Donc ça, c'est la première chose à faire. On ferme les yeux de la personne. Et aussi, on va serrer ses mâchoires à l'aide d'un morceau de tissu, ou là d'un lacet, ou là d'une chose qu'on va mettre afin de serrer ses deux mâchoires pour que la bouche ne s'ouvre pas. Pour que la bouche ne s'ouvre pas. Car le mort, quand il n'y a plus d'activité musculaire, yani tous les muscles se détendent. Et yani c'est ça qui fait que la bouche a la tendance à s'ouvrir. Dès qu'il est dans une position où la bouche elle peut s'ouvrir, elle s'ouvre. Ce qui est recommandé, c'est de serrer ces deux mâchoires afin que la bouche reste fermée. Et tout ça, c'est pour qu'il ait une bonne apparence. Et c'est une manière de s'occuper du musulman après sa mort, pour qu'il ait cette bonne apparence. Il y en a, vous imaginez, si le regard il est vers les yeux, vers le ciel, et la bouche est ouverte, c'est une mauvaise apparence. C'est pour ça, dans la sunna, il est recommandé d'embellir l'apparence du musulman après sa mort. Et afin que son apparence soit semblable à son apparence pendant sa vie également. Taïb. Le deuxième point qu'il a cité, rahimahullah, thalithan, wujoub ghasl al-mayyit. Donc l'obligation de laver le mort. L'obligation de laver le mort. Il a dit, rahimahullah, yajib taghsil al-mayyit al-muslimi illa an yakuna shahidan mata fi al-ma'rakah fa innahu la yughassal wa la yusalla alayhi bal yudfanu fi thiyabihi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. Donc la troisième chose qui est une obligation fard kifaya, comme on a vu. S'il y a des gens qui suffisent, un nombre de personnes suffisant pour le laver, ce n'est plus une obligation pour les autres. Et si personne personne ne se présente pour le laver et qu'il est enterré sans lavage, tous ceux qui ont su sa mort sont dans le péché. Tous ceux qui ont su sa mort sont dans le péché. C'est pour ça que la plupart des savants ils voient que Tarsil, Fard Kifaya. Fard Kifaya. Et il y a beaucoup de textes qui indiquent que c'est une obligation qui doit être accomplie vis-à-vis de tout musulman dans la mesure du possible. Car il peut y avoir des morts où on ne peut pas les laver. Comme ceux qui meurent brûlés ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, on leur fait tayammum. Car il faut savoir, on a une règle très importante. Dans le hadith, le Nabi Al-Sallam nous dit « Hurmatul mu'mini mayyitan ka hurmatihi hayy » La sacralité du muslim mort est comme sa sacralité vivant. Et on se comporte avec le mort comme on se comporte avec le vivant exactement. Donc, le laver est une obligation. Il y a beaucoup de textes qui indiquent cette obligation, notamment le hadith par rapport à l'homme qui a été trébuché par sa monture. Le Nabi alayhi salam a dit « Irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayh » Il a dit « Lavez-le avec de l'eau et du cidre » et placez-le dans ces deux tissus. Yani, utilisez ces deux tissus comme linceul. Yana, c'était un martyr. Et on va voir les règles qui sont liées au martyr. Je suis parti dans autre chose. Non, c'est pas parce que c'était un martyr, mais c'était un muhrim. Car il était dans l'état de sacralité, il est parti pour l'accomplissement du pèlerinage. Il est tombé de sa monture, il est mort. Donc ça, c'est une obligation, de laver le mort et c'est une obligation collective, comme on a vu. Sauf si c'est un martyr. Il a dit, rahimahullah, illa an yakuna shahidan mata fil ma'raka fa innahu la yughassalu wa la yusalla alayhi bal yudfanu fi thiyabihi. Sauf si c'est un martyr qui est mort dans le champ de bataille, qui est mort dans le combat. Alors celui-là, on le lave pas. Et on ne fait pas salade sur lui et on l'enterre dans ses vêtements, ses propres vêtements. Et ceci parce que la prière sur le mort, c'est comme une intercession, comme c'est rapporté dans le hadith. Et c'est une invocation afin qu'Allah lui pardonne et absout ses péchés. Alors que le statut du martyr en soi-même, c'est une expiation de tous les péchés, excepté la dette, il reste redevable. Mais sinon, tous ces péchés sont expiés avec le martyr. Donc on le laisse dans ses vêtements, sauf s'il a des armes ou des choses comme ça sur lui, on les retire. Et les martyrs, les savants citent trois catégories de martyrs. Nous avons trois catégories de martyrs. Les martyrs de Dunya et de l'Akhira. Les martyrs de Dunya seulement, les martyrs de l'Akhira seulement. Les martyrs de Dunya et de l'Akhira. Ceux qui sont considérés comme des martyrs dont ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ceux qui sont décédés dans un combat légiféré et qui ont combattu avec sincérité. Ils ont combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour faire triompher la religion d'Allah et vaincre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas combattu pour des intérêts mondains seulement. Ils ont combattu pour une bonne cause. C'est celle que j'ai citée. Ceux-là, ils ont le statut du martyr dans Dunya, c'est-à-dire on va leur appliquer les règles liées au martyr. Notamment, on ne le lave pas et on ne fait pas salat sur lui et on l'enterre dans ses propres vêtements sans laver même pas le sang de ses blessures. On l'enterre tel qu'il est. Sauf s'il y a des armes ou des choses comme ça, on les retire. Mais sinon, on l'enterre tel qu'il est. Ça, c'est des règles qui sont liées au martyr. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les martyrs de Dunya. C'est-à-dire, ils ont le statut du martyr dans Dunya et ils ne l'ont pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà, ils ne l'ont pas. C'est ceux qui sont décédés dans le combat légiféré, mais qui ont combattu avec une mauvaise intention. Ostentation pour yani, des intérêts mondains. En tout cas, c'est ceux qui n'ont pas la sincérité. Ou qui ont commis un péché qui empêche d'avoir le martyr, d'avoir le degré et le statut du martyr, comme quelqu'un qui a volé du butin avant qu'il ne soit réparti entre les participants. Donc ça, c'est un martyr dans le dunya. Pourquoi on l'appelle martyr dans le dunya? Car on lui applique les règles du martyr. On ne le lave pas, on ne fait pas salat sur lui, et ainsi de suite. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas un martyr. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le martyr de l'au-delà seulement. C'est-à-dire, ce n'est pas un martyr pour nous dans le dunya. On ne lui applique pas les règles du martyr. Non, il sera lavé comme les autres muslimines. Et on fera salat sur lui. Et on le placera dans un linceul. Kafan. Mais c'est un martyr dans l'au-delà, dans le sens où il aura la récompense du martyr. La récompense et la rétribution du martyr. Et ça, c'est beaucoup de catégories. Beaucoup de catégories. Dans un hadith, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, on a cité quatre. C'est un hadith dans les deux authentiques. Il a dit, les martyrs sont au nombre de 5. Al-Mat'oun, celui qui meurt avec la peste. Al-Mabtoun, et on espère que tous les musulmans qui sont morts avec le Covid, qu'ils soient parmi Al-Mat'ounin. On espère cela pour eux. Également Al-Mabtoun, qui est mort avec une maladie du ventre. Al-Ghariq, celui qui est mort noyé. Sahibul Hadm, celui qui est mort dans l'écroulement d'une maison, d'un bâtiment, d'une tour. Et le cinquième qui est cité, c'est le martyr dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le combat. Donc, il y a quatre dans ce hadith. Il y a d'autres hadiths où celui qui meurt pour défendre ses biens ou son honneur est un martyr. Donc, c'est un martyr dans la récompense et la rétribution. Et non pas un martyr dans les règles de dunya, car on va le laver. Et on va faire les autres choses sur lui également. Et il y en a d'autres catégories, il y en a d'autres qui rentrent dans cette catégorie. Mais ça, c'est à titre d'exemple. Donc pour résumer, nous avons les martyrs, ils sont de trois catégories. Les martyrs dans le bas-monde et dans l'au-delà, auxquels nous appliquons les règles du martyr dans Dunya, ils auront la récompense auprès d'Allah et le statut du martyr. Les martyrs dans Dunya, auxquels nous appliquons les règles du martyr dans Dunya, mais ils n'auront rien auprès d'Allah. Et le troisième, c'est les martyrs dans l'au-delà, c'est ceux qui ne sont pas morts dans le sentier d'Allah. Mais dans les textes, il a été rapporté qu'ils ont le degré du martyr et qu'ils ont la récompense du martyr. Donc ça, c'est un martyr dans la récompense. Bien évidemment, il faut savoir que le martyr dans le combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour faire triompher la religion d'Allah et vaincre les ennemis d'Allah, ça c'est le degré le plus élevé de tous. Donc le Nabi A.S. par rapport aux martyrs de Uhud, il a dit « Zammilouhum fi thiyabihim » Enterrez-les dans leurs propres vêtements. Ça a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimallah. Et la sagesse dans cela, ça a été cité dans un hadith dans les deux authentiques, c'est que le martyr sera ressuscité dans ses blessures et dans son sang. La couleur, c'est la couleur du sang, et l'odeur, c'est l'odeur du musc. C'est l'odeur du musc. C'est pour ça qu'on ne lave pas le martyr. Et on ne prie pas sur lui, car yani, le fait d'avoir combattu pour faire triompher la religion d'Allah et patienter jusqu'à mourir, ça, c'est une intercession pour lui auprès d'Allah qui lui permettra l'expiation de tous ses péchés, sauf les droits des créatures. Dans le hadith est cité la dette. C'est pour ça que Nabi A.S. au début, il ne priait pas sur celui qui était redevable d'une dette, jusqu'à ce que quelqu'un se charge de la rembourser. Mais ça, c'est un jugement qui a été abrogé par la suite. Et celui qui est décédé sans laisser de quoi rembourser une dette, ça a été remboursé de la trésorerie des muslimines. Et celui qui s'endette avec l'intention sincère de rembourser, même s'il ne peut pas rembourser dans le dunya, Allah remboursera pour lui dans l'akhira, comme dans, rapporté dans le hadith. Mais attention à prendre ces hadiths en rusant et en croyant ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui s'endettent et ils savent au fond d'eux qu'ils ne vont pas rembourser. Ils ne rentrent pas dans ce hadith. Ça, c'est un homme qui est déterminé à rembourser et finalement il n'a pas pu le faire. Allah subhanahu wa ta'ala paye à sa place. Il ne laisse pas l'autre prendre de ses hasanat ou lui donner de ses sayyi'at. Donc ça, c'est le troisième point que Cheikh Rahimallah a cité. Le quatrième, dans lequel il a cité la description du lavage du mort. Il a dit, rahimahullah, par rapport à la description du lavage du mort, il a dit « Tustaru awratuhu, thumma yurfa'u qalila. » Donc il a cité cette description de l'ghusl conformément à ce qui est rapporté dans le sunnah. Premièrement, il a dit quand couvre sa aura. Qu'on couvre sa aura. Tustaru awratuhu. Le mort, excepté le martyr comme on l'a vu, on lui retire ses vêtements. Mais on ne le déshabille pas. On ne le déshabille pas devant les gens. Il faut qu'on couvre sa aura. On met une grande serviette sur lui et après on lui retire tous ses vêtements, y compris les sous-vêtements. On ne laisse rien sur lui. Et une fois qu'on l'a complètement déshabillé, tout en couvrant sa aura, bien évidemment, comme c'est rapporté dans le hadith, le Nabi A.S. a dit à Ali radiallahu anhu, ne regarde jamais les cuisses d'un mort comme d'un vivant. Yani, ne regarde jamais l'aura d'un mort comme tu ne regardes jamais l'aura d'un vivant. C'est pour ça, il n'est pas autorisé de regarder l'aura du mort. Il faut le couvrir, couvrir sa aura. L'aura, c'est du genou jusqu'au nombril pour l'homme. Et la femme, c'est la totalité de son corps, excepté les mains et le visage. Excepté les mains et le visage. Et ça, la femme, c'est des femmes qui vont la laver. Et l'homme, c'est des hommes qui vont le laver. Excepté les époux. Ils peuvent laver l'un l'autre. Donc, par rapport à la description du lavage, premièrement, on va le déshabiller totalement tout en couvrant sa aura. Et ne rien regarder de l'aura. Ne rien regarder de l'aura. Et si on ne regarde pas la cuisse du mort, alors que dire de ses parties intimes? C'est pour ça qu'on doit couvrir sa aura du nombril jusqu'au genou et on retire ses vêtements par en dessous, une serviette ou là, quelque chose qu'on met sur lui et qui soit assez épaisse pour ne pas... C'est pas quelque chose de transparent, quelque chose d'assez épais. Et comme je vous ai dit, la règle, c'est qu'on se comporte avec le mort comme on se comporte avec le vivant. On y va avec douceur et comme on fait avec le vivant, exactement pareil. Même dans son lavage, quand on verse l'eau, on verse doucement et on ne verse pas une eau brûlante qui brûle le vivant. On verse une eau tiède. Et s'il fait chaud, il n'y a pas de mal à utiliser une eau froide. Yani, la règle, tu te comportes avec lui comme tu aurais fait avec une personne vivante. Et tout ce qui fait mal au vivant, on ne le fait pas avec le mort. Ce cours, ça aurait été préférable qu'il soit en direct pour pouvoir pratiquer sur une personne. Il y en a assez des choses. Yani, même si on cite la théorie, et même si je fais des efforts pour décrire et répéter, ça ne sera jamais quand tu verras comment on pratique cela. Donc une fois qu'on a couvert sa aura, on va lever légèrement sa tête. On va lever légèrement. Il est bien évidemment, il est allongé sur un banc. Et le mieux, c'est que ce banc soit un peu incliné pour que l'eau qu'on verse sur le mort descende et ne reste pas sur le banc. Ensuite, on commence, il est sur son dos. Il est allongé sur son dos. On va le lever légèrement au niveau du dos et de la tête. C'est comme si tu vas le lever pour qu'il s'assoie, mais tu vas le lever tout légèrement. Et ensuite, tu vas serrer et appuyer au niveau de son ventre d'une manière très douce également. On va presser au niveau du ventre d'une manière très délicate. Et ça, Annie, ça se fait en plaçant l'avant-bras sur le ventre et tu lèves. Tu lèves et tu mets l'avant-bras. Tu lèves par exemple avec la main droite et tu mets l'avant-bras de la main gauche sur son ventre. Et en pressant de cette manière légèrement et délicatement, tout ce qui est prêt à sortir de lui, de ses déchets, va sortir. Que ce soit l'urine ou les excréments, tout va sortir. Mais il ne va sortir que ce qui est prêt à sortir. Et une fois que tu as fait cela, tu vas prendre un gant ou là, un morceau de tissu, c'est ce que Cheikh dit, rahimallah, et tu le mets sur ta main gauche. Il y en a, tu vas le nettoyer avec la main gauche, comme avec le vivant. Tu vas utiliser la main gauche pour le nettoyer. Sur cette main, tu portes un gant. Tu portes un gant, par exemple, et tu vas commencer à le nettoyer au niveau des parties intimes par rapport à tout ce qui est sorti. Et même si rien n'est sorti, on lui fera l'istinja. On va le nettoyer de cette manière. On lui fera l'istinja. Et ensuite, l'istinja, comme tu le fais pour le vivant, avec la main gauche. On ne fait pas l'istinja avec la main droite. Et ensuite, tu vas lui faire les petites ablutions, comme tu les fais à un vivant. En commençant par les membres droits dans les ablutions. Donc, on commence par lui faire les ablutions. Par contre, lui mettre de l'eau dans la bouche et dans le nez, al-madmada wal-istinchaq, on ne met pas de l'eau. Yana, si tu mets de l'eau, ça va entrer dans son corps et ça risque de yani d'être mauvais pour lui et d'être la cause de l'apparition de pourriture ou de choses dans son corps. Mais tu vas te contenter de mettre de l'eau dans ta main et après tu prends les mains et tu les mets, tu les passes sur la bouche et un tout petit peu dans le nez. Tu prends juste un tout petit peu d'eau au niveau du nez, des narines, et tu laisses pas remonter l'eau jusqu'à entrer dans le corps. Juste au niveau des narines, tu lui fais le nez de cette manière-là. Une fois que tu as fait la bouche et le nez, Cheikh Rahmallah dit, « ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ونحو ذلك » Ensuite, tu continues à lui faire les ablutions, le reste des ablutions. C'est-à-dire, tu vas laver son visage, tu vas laver ses mains jusqu'au coude, et ensuite tu lui passes, tu lui fais l'essuyage de la tête, les oreilles, et tu lui fais les pieds. Toujours en commençant par les membres droits. Donc là, on aura fini les petites ablutions. Ensuite, on va passer au ghusl. Pour le ghusl, Cheikh Rahimallah dit, ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. Donc on va préparer de l'eau avec du cidre. Celui qui n'a pas de cidre, il peut utiliser un savon. Le cidre, il joue le rôle du savon. Mais le mieux, c'est d'utiliser ce qui est recommandé dans la sunna. Si tu ne trouves pas le cidre, tu peux utiliser le savon, comme le Nabi a dit, irsiluhu bima'in wa sidr, lavez-le avec de l'eau et du cidre. Donc ça, c'est le premier ghusl qu'on va faire, on va le faire avec de l'eau et du cidre. Et comme pour le vivant, quand on fait le ghusl, on commence par laver la partie droite devant, ensuite la partie droite derrière, la partie gauche devant, la partie gauche derrière. Et tu répéteras ce lavage trois fois. Tu vas le laver une première fois, une deuxième fois, une troisième fois avec de l'eau et du cidre. Et si tu vois qu'il a besoin encore d'être lavé, tu peux faire cinq fois, sept fois selon le besoin. Mais tu fais toujours un nombre impair. Si c'est suffisant à partir de la troisième fois, on s'arrête là. Et dans son ghusl, on va prendre de l'eau pour le, comme pour le vivant. On met de l'eau avec du cidre au niveau de la tête. Le cidre, tu le mélanges bien avec l'eau pour que ça donne une mousse. Il y en a que c'est comme le savon. Et après, au niveau de la tête et le visage, tu vas prendre cette mousse, tu la mets sur, sur les cheveux et sur sa barbe, et tu nettoies avec de l'eau, et tu fais attention à ce que l'eau n'entre pas dans les oreilles, ni dans les yeux, ni dans le nez et la bouche. Faut pas que l'eau entre dans son corps. L'ana, c'est mauvais pour lui. Ça peut faire pourrir le corps très rapidement. Et au début de chaque ghusl, on répète la même opération qu'on a vue au début. On l'élève un tout petit peu légèrement, tout en appuyant un peu sur le ventre, pour que s'il y a quelque chose qui est prêt à sortir, elle sort. Et on lui fait l'istinja et on répète le ghusl. Donc ça, on va le faire trois fois. Quand on a terminé trois fois avec cidre, qu'est-ce qu'on va faire? On va yani mettre quelque chose pour le protéger au niveau de ses parties intimes. Yani au niveau de son derrière. Au niveau du derrière, on va mettre du coton pour fermer cet orifice. Donc on va mettre du coton. Et si le coton n'est pas suffisant pour yani fermé afin que rien ne sort de lui, alors à ce moment-là, on peut utiliser de l'argile, mais de l'argile pure, comme il dit Cheikh. Fabitinin hur. Donc on va utiliser de l'argile mélangée avec un peu d'eau et on le laisse sécher. Et on continue notre ghusl. Et l'argile, bien évidemment, c'est quand ça devient solide et ça sèche, c'est une fermeture très forte. Mais en général, c'est suffisant le coton. Ça, c'est dans des cas particuliers où le mort avait une diarrhée ou des choses comme ça. Il y en a, des fois, ça ne s'arrête pas. Ou s'il y a quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, comme il dit Cheikh Rahimallah, dans par les médecins, comme des pansements, des choses comme ça, qui collent et qui permettent de fermer l'endroit, on va les utiliser. On va les utiliser. L'essentiel, c'est que rien ne sort de lui qui lui donne une mauvaise odeur ou des choses comme ça. Et ensuite, quand on a fini, on lui refait les ablutions. C'est comme ça, il dit Cheikh Rahimallah. Ce que je connaissais, c'est, j'ai pas fait attention à ce point-là, que maintenant, ce que je connaissais, c'est l'wudu, on le fait après avoir terminé. Naam, afwan. S'il y a quelque chose qui est sorti de lui, naam, on lui refait les ablutions. C'est moi qui m'ai trompé. Donc, s'il y a quelque chose qui est sorti de lui, on lui refait les ablutions. Car c'est comme pour le vivant. Et une fois qu'on a terminé les trois ghusl, on va le sécher à l'aide d'une serviette ou quelque chose comme ça. Il y a un point que Cheikh Rahimallah, ou bien il ne l'a pas cité, ou c'est moi qui ne l'ai pas lu. Non, il ne l'a pas cité. Yani, c'est de mettre du kafour dans la quatrième fois. Dans la troisième fois. Tu vas le laver trois fois avec du cidre. Mais dans la dernière fois, tu mets uniquement l'eau avec du coffre. Le kafour. Le kafour, ça donne un bon parfum et ça permet aussi de tuer les microbes et les bactéries sur le corps. Et ça, c'est rapporté dans le hadith. Donc, si on le lave trois fois, la troisième fois, on ne met pas de cidre. On met du kafour. Une fois qu'on a terminé les trois rousses, on va le sécher à l'aide d'une serviette. Et ou quelque chose, on va le sécher en tout cas, et ensuite, on va lui mettre du parfum. On va lui mettre du parfum au niveau des sous-aisselles, et ainsi de suite. Surtout les endroits dans lesquels il y a la sueur ou les mauvaises odeurs, on va lui parfumer tous ces endroits. Et on va lui parfumer les sept endroits sur lesquels il se prosterne. On va lui mettre du parfum au niveau du front, le nez, les deux paumes des mains, les genoux et yani, les orteils. Sur lesquels, yani, les sept membres sur lesquels on se prosterne. On lui met du parfum à ces endroits-là. Et on parfumera également les trois tissus de le kafan, les linceuls qu'on va utiliser pour lui, trois ou cinq, on va les parfumer. Un homme ou une femme, on va les parfumer à l'aide de boukhour. Tout ça, c'est des choses recommandées. S'il n'y a pas de boukhour, on peut les parfumer avec un bon parfum. Et si, Cheikh, il dit ensuite, et si sa moustache et ses angles sont très lents, on peut les couper. On peut couper de sa moustache s'il a une longue moustache. Et on peut lui couper les angles s'il a des angles très longs. Mais si on les laisse, il n'y a pas de mal. Car la règle de base, c'est de ne rien toucher du mort. Donc ça, c'est des exceptions. Si on les fait, tant mieux. Si on les laisse, il n'y a pas de problème. Et par contre, on ne va pas coiffer ses cheveux. Il n'est pas légiféré de coiffer ses cheveux avec un peigne ou autre, comme il n'est pas légiféré de lui raser les poils du pubis, ni de le circoncire si jamais il n'a pas été circoncis. Ces choses-là, même s'ils sont recommandés pour le vivant, il n'y a pas de dalil qu'on puisse les faire pour le mort. Et également, pour une autre sagesse, c'est que ces choses-là, si jamais on les pratique sur le mort, ça risque de détériorer son corps. Et pour la femme, il est recommandé, وَالْمَرْأَةُ يُظْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونَ وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهَا. Donc pour la femme, on noue ses cheveux en trois tresses que l'on place derrière sa tête. Comme ça a été rapporté dans le hadith Umm Atiyya radiallahu anha, Nabi alayhi sallam lui a dit, faites-lui trois tresses. Et ces tresses, on les laisse, on les place derrière la tête, au niveau du dos. Ça, c'est par rapport au quatrième point, qui est al-ghusl. On va passer au cinquième point. Comme ça, on aura fait, inshallah, la moitié. Le cinquième point, c'est at-takfin. L'enveloppement du corps dans un linceul. Cheikh rahimahullah dit, al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin, laysa fiha qamisun wala imama, kama fu'ila bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yudraju fiha idraja. Donc, il est recommandé, al-afdal, ce qui est recommandé, ce qui est meilleur pour l'homme, c'est de l'envelopper dans trois pièces de tissu blanc, dans lesquelles on l'enroule, et dans lesquelles il n'y a ni chemise, ni turban. Il n'y a pas de kamis, ni turban. L'imama, conformément à ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il a dit yudraju fiha idraja. Donc ça c'est le mieux pour l'homme, c'est de l'envelopper dans trois tissus blancs, et c'est pas une sunna d'utiliser un qamis ou d'utiliser une imama au niveau de la tête. Car le Nabi alayhi sallam, il a été enveloppé dans trois tissus blancs. Et ce qui est voulu par les tissus ici, c'est des tissus qui sont très lents, au point où ils vont englober la totalité du corps. Chaque tissu, yani, tu peux l'envelopper entièrement. Dans chaque tissu. De la tête jusqu'aux pieds. Trois comme ça. Et la sunna, c'est qu'il soit de couleur blanche. S'il n'y a pas le blanc, tu peux utiliser n'importe quelle autre couleur. Mais le blanc, c'est la sunna. Et Nabi alayhi sallam a été enveloppé dans trois tissus blancs en coton. On va mettre le mort dans le premier tissu et on l'enveloppe avec. Et ensuite, on va mettre, voilà dans la pratique, on place les tissus sur le bon, l'un sur l'autre. Et ensuite, on ramène le corps du mort, on le place sur les trois. Et on va l'envelopper avec le premier, et ensuite on l'enveloppe avec le deuxième, et ensuite on l'enveloppe avec le troisième. Ça, c'est dans la pratique, c'est comme ça qu'on fait. Donc sunna, c'est d'utiliser trois. Et si on l'enveloppe dans un seul tissu, il n'y a pas de mal. Car ça, c'est l'obligation, c'est un seul. Mais trois, c'est la sunna. Par contre, la femme, wal mar'atu tukaffanu fi khamsati atwab. Par contre, la femme, elle est enveloppée dans cinq pièces de tissu. Fi dir'in, dir' c'est la robe. Wa khimar, yani le khimar, c'est ce qui se met sur la tête et qui dépasse la poitrine. Le khimar. Wa izar, la femme est enveloppée dans une robe, dans un khimar et dans un izar. L'izar, c'est le pagne. Le pagne. Wa lufafatayn, et dans deux grands draps. Donc, vous constatez que la femme, il est exigé pour elle plus de tissu et plus de couverture et plus de pudeur que l'homme. Yani, on la couvre avec plus que l'homme. Et comme ceci est exigé d'elle dans Dunya, il est exigé d'elle également après la mort. Après la mort. Donc on commence tout d'abord par le pan. On couvre ses parties intimes avec ce pan. Et ensuite, on prend ad-dira. On prend ad-dira. Ad-dira, c'est cette robe. C'est la robe qui va envelopper tout son corps. Qui va envelopper tout son corps. La robe, ça sera pour la partie inférieure du corps, la moitié inférieure. Et ad-dira, ça sera pour la totalité du corps. Et ensuite, on prend le khimar qu'on va mettre sur sa tête et ça va descendre jusqu'à en dessous de la poitrine. Et en dernier, on prend les deux grands morceaux de tissu, al-lufafatayn, et on va les utiliser comme on a utilisé pour l'homme. C'est-à-dire, on va l'envelopper après lui avoir fait porter une robe et il y a ni quelque chose qui couvre la totalité du corps et quelque chose qui couvre la tête. Ensuite, on va lui utiliser deux morceaux grands tissus qui vont couvrir la totalité du corps dans lesquels on va l'envelopper. Donc ça, c'est pour la femme. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. C'est qu'on enveloppe la femme dans cinq tissus. Mais par contre, il faut savoir que ce qui est obligatoire pour tous, hommes comme femmes, c'est un seul tissu qui couvre la totalité du corps. Ça, c'est l'obligation, comme pour l'homme, comme pour la femme. Mais la sunna, c'est ce que Cheikh Rahimallah a décrit. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc par contre, si le mort est en état de sacralité, en plein accomplissement de son umra ou de son hajj, Allah a pris son âme, on va le laver également avec de l'eau et du cidre, et à la fin on met du kafour. Cheikh ne l'a pas précisé, rahimallah. Et ensuite on va utiliser comme linceul son izar et son rida. Vous savez que l'homme, dans le hajj, il porte deux tissus blancs. C'est les mêmes qu'on va utiliser comme linceul, et on ne va pas couvrir sa tête ni son visage. On va se comporter avec lui comme il était dans sa vie. Le pèlerin, il ne couvre pas la tête ni le visage, lui également. Le pèlerin n'utilise pas les parfums, lui non plus, on ne va pas utiliser pour lui le parfum. Afwan, j'ai dit le kafour, on n'utilise pas de kafour pour le pèlerin, car le parfum est interdit pour lui vivant comme mort. Il est mort dans un état de sacralité. Il sera ressuscité dans un état de sacralité en train de faire telviya, comme c'est rapporté dans le hadith. Et donc, on ne va pas le parfumer. Le pèlerin, celui qui est mort en plein accomplissement des rituels du pèlerinage ou de l'umra, comme ils disent le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, pour les distinguer, à ce moment-là, on va faire pour lui les mêmes choses que pour le vivant. On n'utilisera pas de parfum et on ne lui fera pas porter des vêtements cousus avec la forme du corps. Et de toute façon, ça, c'est pas légiféré, même pour celui qui est mort en dehors de l'état de sacralité. Mais ici, c'est important de le préciser. Il sera ressuscité en faisant telbiya devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et le martyr, il sera ressuscité avec son sang et avec ses blessures. La couleur, c'est la couleur du sang, mais l'odeur, c'est l'odeur du musc. Et si c'est une femme qui est morte en plein accomplissement des rituels du pèlerinage et de l'umra, on va faire pour elle comme pour les autres femmes, sauf le parfum. On n'utilisera pas de parfum pour elle. Mais la femme dans le pèlerinage, elle n'a pas un vêtement spécifique. Elle ne doit pas porter le blanc, c'est pas une sunna. Elle porte ses vêtements habituels qui sont autorisés pour elle tout le temps. C'est pas comme l'homme, il a un vêtement spécifique. Il n'a pas le droit de porter toute chose qui épouse la forme du corps. C'est pour ça la femme, on va l'enterrer, on va l'envelopper, yani, comme ce qu'on a vu précédemment, comme pour toute femme. La seule exception pour elle, c'est qu'on ne va pas la parfumer et on ne va pas couvrir son visage avec un niqab, ni ses mains avec des gants. Donc on ne va pas utiliser pour elle un niqab ni un gant, car ceci est interdit pour la femme dans le pèlerinage, pendant le pèlerinage. Mais on va couvrir ses mains et son visage avec le même tissu dans lequel on l'a enveloppé comme l'autre femme. Et en dernier, pour l'enfant, le petit garçon, on l'enveloppe dans un seul tissu jusqu'à 3. Également la petite fille, on l'enveloppe dans un qamis. On l'enveloppe dans un qamis, c'est-à-dire une chemise, et deux draps, qui vont envelopper la totalité de son corps. Car elle n'a pas besoin d'un khimar, comme elle n'avait pas besoin de khimar pendant sa vie, elle n'aura pas besoin de khimar après sa mort. Pour la petite fille qui n'est pas arrivée à la puberté. Et le petit garçon, c'est celui qui n'est pas arrivé à la puberté également. Voilà pour le kafan. Le reste, on va le laisser au cours prochain. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته